pose-toi de façon confortable. Ce monde est instable, ils te feront croire que t'oublieras tes soucis dans un beau verre de champagne. La vérité que la vérité, ils en ont rien à péter. Faire des billets, avoir du power, c'est tout ce qui compte pour eux. Et si des innocents meurent, ben c'est qu'il avait mérité. T'es mal monde que nos enfants vont hériter. Les réseaux sont envolés dans les nuées. L'argent règne aux quatre coins du globe. Why bon Dieu? Oh my god, laissez Yoa dans parole à Yo. Moins en café, tant moins. Depuis le commencement, je suis bien parti sur ma rampe de lancement. J'ai graillé l'instru, c'est qu'un aperçu. On fait pas les choses à part égale. Je prends tout ce qui m'intéresse, le reste ça m'est égal. Tu te prends pour un ouf en faisant des joutes verbales. Ah ah ah, j'ai envoyé une punchline. Bandignard, vos cerveaux sont dans des corbillards. Je reste posé pour pas que tu te retrouves sous les dénivelés. Dieu m'a délivré, je suis le demandeur de respect. Tout le reste sont les intimés. Voler lyrical dans ta tête, t'es pas prêt à la réceptionner. C'est comme ça que les choses se passent. Des fois j'ai honte d'être un être humain. Je me demande si on est de la même race. Siphonner mon être et le transvaser sur chacune de mes lettres. Arrêtez de jouer la politique de l'unité, de l'espoir. On sait très bien que vous vous nourrissez que de pensées noires. Stabilise-toi, je vais bien au-delà de ce qu'on perçoit. Je m'assois sur l'état. Non, non, non, ce n'est pas eux qui me dicteront ma loi. Pour prendre les armes, je n'ai pas attendu l'hymne national. Allez, réveille-toi, tu vois pas qu'ils nous prennent pour du bétail. C'est de devant eux, hors de question. J'ai ni la haine ni la rage, je laisse ça pour eux. J'écris sur des pages, ça me soulage. Si t'apprécies, eh ben tant mieux. Depuis longtemps, rien qui y a sui mental. Qu'a fait moi fly, si ou d'accord avec ça. En cas dit ou en ouaille. Depuis longtemps, rien qui y a sui mental. Qu'a fait moi fly, si ou d'accord avec ça. En cas dit ou en ouaille. En ouaille, en ouaille. Le reste, on le boycott. En ouaille, en ouaille. Le reste, on le boycott. En ouaille, en ouaille. Le reste, on le boycott. En ouaille, en ouaille. Le reste, on le boycott.